بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ اليوم السؤال 61 سوفتنيم كيستيون. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأسماء التي ينبغي التسمي بها والأسماء المحرمة المكروهة؟ Donc il a été interrogé quels sont les noms qu'il convient de prendre, les prénoms, et ceux qui sont interdits et détestables. فأجاب رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه وابنته أو plutôt ابنته. نعم. لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit, faut que la personne donne un bon prénom à son fils ou à sa fille, car les gens seront appelés le jour de la résurrection par leur nom et le nom de leur père. Comme cela est affirmé du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est une précision qu'en islam, il n'y a pas de nom de famille, ce qu'on appelle nom de famille. L'enfant est attribué à son père. On appelle, masalan, Ibrahim ibn Fulan, wa Fatimatu bint Fulan, wa akadha. Et kazalik, lorsque la femme se marie, en islam, elle ne porte pas le nom de son mari. Elle continue à garder le nom de son père. Fatima bint Fulan. Et après on dit Zojat Fulan. Fatima est la fille de un tel, et c'est la femme de un tel. Mais elle porte pas le nom de son mari. Et l'enfant est attribué à son père. L'enfant porte le nom de son père. قال وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وكل ما أضيف إلى الله فهو أفضل من غيره. يعني عبد الله وعبد الرحمن عبد الرحيم عبد العزيز عبد الوهاب عبد الكريم عبد المنان وما أشبه ذلك كل ما أضيف إلى الله فهو أفضل. Donc les plus beaux prénoms, les prénoms les plus aimés auprès d'Allah sont les noms comme Abdullah, Abdurrahman, c'est-à-dire tous les noms dont la servitude est attribuée à Allah. Comme il a dit, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulaziz, ces prénoms-là. Abdullah qui veut dire serviteur d'Allah, Abdurrahman qui veut dire serviteur du Rahman, Abdurrahim qui veut dire serviteur du miséricordieux, Abdulaziz qui veut dire serviteur du puissant, Abdulwahab, celui serviteur du grand donateur, Abdulkalim, serviteur du noble, wa akadha, ainsi de suite. Ce sont les meilleurs prénoms, ceux-là. ويحرم أن يتسمى بأسماء الفراعنة مثل فرعون أو بأسماء الشياطين مثل إبليس. Et qu'il est interdit de prendre les noms pharaoniques, comme se nommait Pharaon ou les noms des Pharaon, les prénoms qu'ils avaient pour ceux qui étaient connus pour le shirk. Il a été dit que certains d'entre eux étaient des Mouahidin, parce que Pharaon c'est pas un prénom. Pharaon c'est pas un prénom, c'est un statut. Comme on dirait par exemple un César. César, c'est pas un prénom, c'est un statut. Et ils avaient des prénoms. Et ce César, c'était le nom du chef des Romains. Pharaon, c'était le nom du chef des gens de l'Égypte à l'époque. Comme le Négus, par exemple, Najashi, c'est pas un prénom, c'est un statut. Et lui s'appelait Ashama. Négus, son prénom c'était Ashama. Donc les noms de ces gens-là ne doivent pas être pris. D'ailleurs, si quelqu'un nomme quelqu'un, le fait de nommer quelqu'un, par exemple, Pharaon, ce n'est pas permis. Ou Kazadik, César, ce n'est pas permis. Car c'est le nom des chefs des koufars. Et également ne pas se nommer par le nom de Shayatin, comme Iblis. Cela est interdit de nommer son enfant Iblis, bila shak. قال العلماء أو بأسماء القرآن فإنه لا يجوز أن يسمى ابنه قرآنا أو فرقانا عفوا وما أشبه ذلك لأن هذه خاصة بالقرآن الكريم والقرآن أسماؤه مختلمة فلا يسمى بها أحد من البشر. Il a dit également, on ne doit pas donner des noms du Coran à son enfant. Tu ne nommes pas, par exemple, ton enfant Furqan, car le Furqan, c'est l'un des noms du Coran. Et ce qui y ressemble, car ce sont des noms qui sont propres au Coran, et le Coran, ces noms doivent être respectés. Donc on ne nomme pas un humain par ces prénoms-là, ou par ces noms-là. حتى أن بعض العلماء قال يكره أيضا أن يتسمى بأسماء الملائكة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل. Il a dit que même certains ulama ont vu qu'il est détestable, voire même haram. Il avait dit dans d'autres questions que lui, vous voyez, lui voit que c'est makrouh, mais il dit qu'il y a des ulama comme Cheikh Bakr Abou Zayd, par exemple, qui voit que c'est interdit. Ou des imams comme l'imam Malik, qui apparemment également dit que c'est interdit. D'accord? Des ulama voient que c'est interdit de se nommer par des noms des anges. Comme Jibril, Mikaël, Israfil. Les autres ulama voient que c'est permis. La masala, il y a une divergence. Donc celui qui n'est pas sous la certitude de son affaire, le meilleur c'est qu'il délaisse le doute. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Dama yaribouk et lema yaribouk. Délaisse ce qui te fait douter pour ce dont tu es sûr. Donc il y a une divergence, tu n'arrives pas vraiment à distinguer, à être sûr de la chose qui est valable, évite le khilaf et donne ton enfant par un autre prénom que ces prénoms-là. Des prénoms, il y en a plein, alhamdulillah. Wa akada. Hada lazi khadna liyum, wa alhamdulillah.